les sangs ont loin derrière, le pays est sa misère. J'évite les cortèges, car j'ai compris le manège. Je suis laissé embrigadé, j'ai vite été repéré. Aussi j'ai bien changé, merci j'ai déjà donné. Là-bas dans le pays, c'était pas comme ici. Pas besoin de papier, le prénom suffisait. Un pays civilisé, j'arrête pas dans mon flet. Et les cognes me cognent, sans savoir pourquoi. Les badauds rigolent, en me montrant du doigt. Mais qui veut bien de moi? Y'a plus que les filles de joie. Je suis un émigré, pas un vin du pied. Je ne cherche plus du travail, car j'ai quitté les rails. Je suis un marginal, qu'a jamais fait le mal. J'erre avec ma guitare, je vais de bagarre, assurant ma pitance, en faisant la manche. Avec ma gueule de métèque, souvent y'a pas baiser. On me reproche ensemble de n'emmerder personne, d'avoir ni chien ni chat, de vivre en dehors des lois. Heureusement pour moi, y'a lui, vous et toi. Un émigré que personne n'écoute, fatigué de mousser, aussi je lève les pouces. Je ferai pas mal à une mouche, mais gare à celui qui nous touche. Car même mes frères me tournent le derrière, ouais, à leurs yeux. Je ne suis plus comme eux. En fait, je ne suis plus rien. Dans ma peau, je suis pas bien. Et les cognes me cognent, sans mieux savoir pourquoi. Sans doute le fait d'être passé par là. Mais que Dieu me pardonne, bien qu'on lui m'en donne. Un jour je vais craquer et tous vous faire danser, et tous vous faire danser, vous faire danser.